Exode chapitre 35. Moïse donc assembla toute la congrégation des enfants d'Israël, et leur dit, « Ce sont ici les choses que l'Éternel a commandé de faire, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour il y aura sainteté pour vous, car c'est le sabbat du repos consacré à l'Éternel, quiconque travaillera en ce jour-là, sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du repos. » Puis Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et leur dit, « C'est ici ce que l'Éternel vous a commandé, en disant, « Prenez des choses qui sont chez vous, une offrande pour l'Éternel, quiconque sera de bonne volonté, apportera cette offrande pour l'Éternel, savoir, de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin, et du poil de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge, et des peaux de tesson, du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des choses aromatiques pour l'huile de l'onction, et pour le parfum composé de choses aromatiques, des pierres d'onyx, et des pierres de remplage pour les faux et pour le pectoral. Et tous les hommes d'esprit d'entre vous viendront, et feront tout ce que l'Éternel a commandé, savoir, le pavillon, son tabernacle et sa couverture, ses anneaux, ses ais, ses barres, ses piliers et ses soubassements, l'arche et ses barres, le propitiatoire, et le voile pour tendre devant, la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et le pain de proposition, et le chandelier du luminaire. Ses ustensiles, ses lampes, et l'huile du luminaire, et l'autel du parfum et ses barres, l'huile de l'onction, le parfum des choses aromatiques, et la tapisserie pour tendre à l'entrée, savoir, à l'entrée du pavillon, l'autel de l'Holocauste, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement, les courtines du parvis, ses piliers, ses soubassements, et la tapisserie pour tendre à la porte du parvis, et les pieux du pavillon, et les pieux du parvis, et leur cordage, les vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire, les saints vêtements d'Aaron, sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Et quiconque fut ému en son cœur, quiconque, dis-je, se sentit porté à la libéralité, apporta une offrande de l'Éternel pour l'ouvrage du tabernacle d'assignation, et pour tout son service, et pour les saints vêtements. Et les hommes vinrent avec les femmes, quiconque fut de cœur volontaire, apporta des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets et des joyaux d'or, et chacun offrit quelque offrande d'or à l'Éternel. Tout homme aussi chez qui se trouvait de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge, et des peaux de tesson, les apporta. Tout homme qui avait de quoi faire une offrande d'argent et d'airain, l'apporta pour l'offrande de l'Éternel. Tout homme aussi chez qui fut trouvé du bois de sittim pour tout l'ouvrage des services, l'apporta. Toute femme à droite fila de sa main, et apporta ce qu'elle avait filé, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes aussi dont le cœur les porta à travailler de leur industrie, filèrent du poil de chèvre. Les principaux aussi de l'assemblée apportèrent des pierres d'onyx, et des pierres de remplage pour les faux et pour le pectoral, et des choses aromatiques, et de l'huile, tant pour le luminaire que pour l'huile de l'onction, et pour le parfum, composé de choses aromatiques. Tout homme donc, et toute femme que leur cœur incita à la libéralité, pour apporter de quoi faire l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par le moyen de Moïse confie, tous les enfants, dis-je, d'Israël apportèrent volontairement des présents à l'Éternel. Alors Moïse dit aux enfants d'Israël, « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, en science pour toutes sortes d'ouvrages, même afin d'inventer des dessins pour travailler en or, en argent, en airain, dans la sculpture des pierres, pour les mettre en œuvre, et dans la menuiserie, pour travailler en tout ouvrage exquis, et il lui a mis aussi au cœur, tant à lui qu'à Aholiab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan, de l'enseigner, et il les a remplis d'industrie pour faire toutes sortes d'ouvrages d'ouvriers, même d'ouvriers en ouvrage exquis. et en broderie, en pourpre, en écarlate, en cramoisi et en fin lin, et d'ouvrages de tissure, faisant toutes sortes d'ouvrages, et inventant toutes sortes de dessins.